en direct des studios de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 14 au 20 septembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante, avec vous pour 2 heures de la meilleure musique que C'est Fou a à vous offrir, que du condensé de succès. C'est ce qu'on appelle, c'est les Palmarès C'est Fou, c'est tous les vendredis soirs en direct. Donc, quelques nouvelles entrées cette semaine, en fait seulement 4. On va entendre We Are Wolves, Parlor Steps, Interpol, mais on commence par la 15e position francophone. Voici tout de suite Plasticine, avec Tu as tout prévu au Palmarès C'est Fou au 89.1 FM. the sweet breath of time. It's whispering its truth, not mine. There's no I in three songs. On continue avec les 14e positions. Voici Nous sommes loups et Magique au Palmarès C'est fou au 89.fm. Yeah. first step's the only mystery. Ceux qui n'ont pas compris, c'est Only Mystery avec Parlor Steps. C'est hyper, hein? Un peu. Only Mystery. L'album, c'est Ambiguoso, c'est la 14e position anglophone. Effectivement. Et puis, du côté francophone, on a entendu Magique avec We Are Wolves. Et oui, Nous Sommes Loups, formation qui utilise un nom anglophone et un nom francophone en même temps. C'est intriguant. L'album s'appelle Total Magique. Juste avant, c'était la 15e position anglophone. La formation Interpol avec No Eye in Threesome. Et je viens de comprendre, j'avais dit précédemment Number One in Threesome. C'est bien un écrit sur la feuille, mais dans le fond, le titre, c'est No Eye in Threesome. Il n'y a pas de jeu dans un trip à trois. Et non, numéro un dans un trip à trois, comme je l'avais compris. Les deux sont drôles, par exemple. Oui, effectivement, effectivement. C'est mais c'est original. Mm-hmm. Merci, Interpol. Oui. Et voilà. Ça va faire. Et là, on se dirige vers quoi, mon ami? Attends, on a eu quand même la 15e position francophone. Ah! OK, oui, qui était plasticine avec les tuyaux tout prévus. Sauf ça, dans le fond, le dire. Non. Ça, tu l'avais pas prévu. Oui, non, c'est ça, effectivement. C'est... Effectivement. Vous écoutez les Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui avec Cynthia Paquet-Grenier. Et Mathieu Plante. Ben oui, comme ça, le duo de l'enfer qui revient 15 minutes une fois rentré dans l'émission. C'est comme, subtilement, on commence, c'est comme, on vient d'arriver les deux en même temps. Mais c'est comme un agace départ. Un agace départ. Oui, c'est ça, c'est comme un agace départ. Hey, cette semaine, pour faire changement, on l'a dit la semaine dernière aussi, mais trouve-nous un cynthiologisme de la semaine. Oui, vrai. Je vais vous en donner un, c'est sûr. De toute manière, je finis l'émission avec vous. Donc, c'est sûr que je vais vous en trouver au moins un. Le bonheur. Et voilà. On s'en va à nos 13e position. On s'en va entendre dans quelques minutes Battle Legend avec Heroes and Marchers. Mais avant... Avant, on va aller écouter Tara Lee Combs avec Jack in the Box. Tout de suite au palmarès, c'est... Boum! Public, il fout droit, ça donne qu'un choix, ça m'en a pané. Yeah. Ça, c'est short comme tune, comme on dit. On dit dans le langage québécois. C'est une courte pièce. C'est vraiment bad. Ouais. Bad Religion. Avec Heroes and Martyrs, la 13e position anglophone. C'était le numéro 5 la semaine dernière. Donc, on pourrait dire une chute libre. Pas mal, hein? Ça fait mal, il me semble. Disons que ça mérite les pansements liquides que tu... Les quoi? Pansements liquides, c'est comme des gouttes, là. Ça devient comme... Ça fait comme un plaster. OK, tu m'expliqueras ça pendant la prochaine chanson. C'est bon. En français, côté francophone, on a entendu Jack in the Box de Tara Lee Combs, qui est étrangement très anglophone. Oui, oui. Mais c'était dans le top francophone. Exactement, mais sa pièce, en fait, elle s'appelle au complet Jack in the Box, manège électoral, entre parenthèses. Ah, OK, donc, on a manqué une information ça ici. Ça a un lien. D'accord. Puis eux, en fait, sont en remontée, contrairement à nos amis de la mauvaise religion. En fait, ils sont en montée de deux places. Ils sont en 13e position la semaine passée. C'était une nouvelle entrée en 15e. Absolument, et absolument. Voilà. Tu as tout à fait raison, Cynthia. J'ai toujours raison. Ben, t'es une fille, c'est ce qu'ils disent tout le temps. Hein. Je pense que j'ai jamais rencontré une fille qui disait qu'elle avait pas raison tout le temps. Hein. Ouais, peut-être. C'est pas faux, là. Ben non. C'est pas complètement vrai non plus. Ça sera un autre débat qu'on aura durant les pauses. Exactement. On est rendu à nos 12e position du côté anglophone. C'est The Hot Springs avec Head Rush. Et du côté francophone, nous avons les Hostilés avec Olinéa. Les Hostilités. Oh, ben oui. Mais tu sais, faut être original en vue. C'est ça. Les accents, c'est pour les losers. C'est ça. Au palmarès. Attends, au palmarès. C'est fou. Ah, c'est bon, merci. Ah. Yeah. The Hot Springs avec Head Rush en 12e position anglophone. C'est une remontée de 3 places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Du côté francophone, on retrouve Olinéa avec Les Hostilés. Bien entendu. L'hostilité. Ah, oh, moi qui voulais te faire haha dans tes dents. Bon, ça y est. C'est bon, dans les ta face. Hostilités. Oui, dans ma face à moi, finalement. C'est ça. Donc, c'était en 12e position et qui est quand même cohérente dans ses positions, car la semaine passée, c'était également en 12e position. Cohérence égale récurrence égale cohérence. Cohésion égale superficialité, je sais plus. C'est quoi? Répétition égale toujours même affaire. Non, non, récurrence. Hein? Ah, c'est très incohérent, ça. C'est vendre des nouvelles expressions. C'est des nouvelles expressions? Eh oui, des nouvelles expressions. Là, répétitivité égale cohérence égale superficialité. Bien sûr, bien sûr. Hein, oui. Parlant de ça, là. Bien sûr. Je regarde devant moi, là, puis Simon Belle-Rose Veilleux m'a l'air tout à fait superficiel en ce moment. Ouais, je sors d'un 3 heures d'oral pénible. Non, un oral de quoi? C'était des stagiaires en génie. OK. C'est pas des orateurs. Non, ils sont pas faits pour parler. Non, c'est pas merveilleux. Ils ont une bouche, par exemple? Oui. Mais oui, si on est avec ça. Hey. C'était le fun, non? Non. Moment que tu ne voudrais pas revivre. Non, puis justement, je ne le vivrai plus. J'ai fini mes stages. Yes! Félicitations. Donc, Simon qui va être avec nous pour un petit bout, c'est ça? Ouais, oui, je fais ça, là. Super. C'est pas chouette, tu me l'as dit. Ben, c'est ça, hein? Un petit peu dans ta face, dans tes dents, dans les dents. C'est ça. C'est ça. OK, on est rendu aux positions numéro 11. Du côté anglophone, c'est The Old Soul avec You Are Gold. Mais juste avant, voici la 11e francophone, une méchante chute. Ah oui? Ah oui. Mais bien sûr. De la 11e, de la 3e à la 11e, imagine. Oui, pour nos amis, les amis au Pakistan avec la pièce de Mon soldat de plomb. Prédit une dernière semaine. C'est fini après. Oui. Penses-tu? Ouais. Quand il dit, c'est vrai. Oui, c'est ça, parce que tout ce que je dis, c'est la vérité. Hein. Non, c'est les prédictions de Mathieu, pas les vérités de Mathieu. C'est les Mystique Madame Plante. Mystique Madame Mathieu. Mystique Madame Mathieu, j'aime ça. C'est des M. Tu veux qu'on t'appelle Madame, pourquoi? Non. Ouais, c'est ce que je pensais. OK. Les palmarins! The Old Soul au Palmarès C'est fou au 89.fr. Gold en 11e position anglophone, c'est une remontée de deux places, c'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Juste avant, on avait les amis au Pakistan avec Mon soldat de plomb qui était en chute libre, qui était en 11e place, qui était en 3e position la semaine passée. Absolument. Maintenant, on saute nos positions 10 et 9, donc nommons-les avant de passer par-dessus. J'ai quand même un petit peu de politesse, s'il vous plaît. Simon, on tient les positions numéro 10 et 9 francophones, s'il te plaît. Oui, du côté francophone, en 10e position, malheureusement, on n'entendra pas Pépé, c'est ça? Triste. Ah, mais c'était... Mais qu'est-ce que tu fais là avec Pépé? Et en 9e position, on avait Zébric avec la pilule. Du côté anglophone, Cynthia. On avait The Details avec Reunion Souvenirs. Et puis on avait en 9e place New Photographers. My oui. Rights VS Yours. C'est pas mal bon, ouais, pas mal bon. Non, c'est ça. C'est dommage de pas l'entendre aussi. Mais quand même, on saute en 8e du côté anglophone. C'est Hot Little Rocket avec Like Killers. Mais avant, du côté francophone. On va aller voir Tricot Machine avec l'ours qui est en chute aussi de 4 positions cette semaine. Je pense que c'est fini, ça. Mais ouais. Ça fait quand même 9 semaines qu'ils sont là. Ouais. Et vous savez que l'ours de cette chanson-là est sur le campus. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Arrête. Ah oui? Ouais, parce que quand ils font leur spectacle Tricot Machine, il y a l'ours qui apparaît sur scène. Mm-hmm. Et j'ai rencontré la personne qui fait l'ours. Un jour, je vous la présente. Il est justement au studio. Parade. Non, c'est pas vrai. Non. Non, il était occupé. J'ai essayé de l'avoir, mais... Peut-être dans le prochain bloc. Hein. J'aimerais ça avoir l'ours avec nous. Ouais. Je vous demandais à Tricot Machine ce qu'il en pense, c'est ça? Hein? Okay. OK. OK, OK. J'ai sauvé la peau d'un petit ours. Puis son cœur, je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. L'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche, mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. La tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance dans l'allée d'un champ. Un doux mélange de romance et de démence quand le fer m'est attiré. Je Hot Little Rocket avec Like Killers en 8e position anglophone, remontée de 2 places. Et juste avant, du côté francophone, on avait Tricot Machine avec l'ours en 8e. Mm-hmm. Maintenant, on sait ce qui se passe avec les ours. Hein. Ben oui. Okay. C'est pas la période de la chasse à l'ours bientôt? Je sais pas. Je crois que c'est à l'automne. Tu es un fan de ça, toi? Ben, mon oncle est un chasseur d'ours. Mm-hmm. J'ai déjà été dans les poubelles du Dunkin' Donut dans le temps sur des forges. Et on avait été ramasser des beignes dans le container pour attirer ses ours ou ce qu'ils chassaient. Pour vrai? Ouais. Puis, il était là, ah ouais, Simon, viens t'as ici, là, on va ramasser des beignes. Là, j'étais là, ouais, c'est dégueulasse. Là, ouais, par exemple, ce contenant-là, là, il avait pris un vieux contenant de bin, là. Puis là, il mettait ses beignes là-dedans, là, puis là, il m'a mis ça dans le truck en arrière, on est parti. Puis il allait chasser l'ours. Puis, wow. On va vous dire quelque chose, chasser l'ours, ah, chez ouais, vous? C'est quelque chose. C'est ouais. Un sport. Et ça prend vraiment des grosses balles, là. Moi, je suis pas un amateur d'armes à feu, là, mais je vous dirais que c'est à peu près gros de même. OK. c'est vrai que ça a l'air gros. Ouais. On voit ouais. Environ un décimètre. Ici. Ah, c'est quasiment long comme ma main. Là. Mm-hmm. Non, peut-être un peu moins. C'est quand même c'est pas fou. Mal. Ouais. Est-ce que tu l'as déjà mangé, mettons? De l'ours? Ouais. Non, non, mais... Ça se mange-tu de l'ours? Oh, oui, ça se mange juste avec l'ours. Ah ouais. Oh, ouais. Non, c'est j'avais... Bon, tu fais ça pour rien? Ben non, ben lui, il y a un de ses amis qui est taxidermiste, là, qui fait des qui empaille, qui ouais, fait des ouais. Peaux. Donc, des peaux d'ours, là, ça se vend. Tu sais, là, dans les films là, romantiques, là, où c'est que t'as la peau d'ours à terre, il ben, y en a beaucoup qui cherchent ça. Là. C'est très doux, un ours. Là, c'est... Mm-hmm. C'est très doux et sec. Là, et sec? Ça vaut la peine de se coucher un jour là-dessus. Ouais. Vous allez voir. Bon. Tout est sec. Ouais. Mission dans notre vie, Mathieu, nous devons trouver une peau d'ours et ouais. S'y coucher quelques secondes. Est-ce que tu porterais de la fourrure à un ours? Si j'en porterais? Ouais. Ah, je sais pas. Non, la fourrure. Je suis pas très manteau de fourrure, premièrement. Ben, je sais pas si tu peux porter ça comme une fourrure, là, je sais pas. Je sais ça comme ça. Ben, je sais pas. Sûrement je sais pas. Pas. Ben, tu sais, un fait. Petit tapis d'ours, je sais pas, là. Ben, tout se fait, je pense. Ben, sûrement. Mais faudrait que je lui demande un petit steak, là. Tu pourrais peut-être me d'ours. Fournir ça. Peut-être, ouais. Peut-être. On pourrait faire une déguste. Ici on, en studio. On fait ça assez fou. Ouais. C'est ça, émission spéciale. Ouais. On est rendu à nos 7e position. Du côté anglophone, c'est Figurines avec Charlotte Verse, une nouvelle entrée de la semaine dernière qui remonte de 7 positions. Mais avant, du côté francophone... Du côté francophone, on retrouve Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Tout de suite au Palmarès, c'est faux, 89.1 FM. La radio campus, où ça? Des Trois-Rivières. Verse de la formation Figurines dans les palmarès. C'est fou, ça, c'est la position numéro... c'est la position numéro 7. Voilà, remontée de 7 places. C'est la fin de la première heure. Juste avant, on avait entendu la position numéro 7 francophone. Avec Alexandre Champigny, Je vais m'hypnotiser, qui était en 14e position la semaine passée, qui est rendu en 7e quand même. Mm-hmm. Donc, fin de première heure, ça veut dire récapitulatif de ce qui s'est passé depuis le début de l'émission. Le côté francophone des positions 15 à 8. Simon. Oui, 15e position, nouvelle entrée cette semaine avec Plasticine. Tu as tout prévu. 14e position, une autre nouvelle entrée avec We Are Wolves et la chanson Magique. 13e position, on avait Tara Lee Combs. C'est comme ça que ça se dit, Mathieu? Combs. Ouais. Ah, comme les céréales. C'est ouais. Ça, on est okay. Cool. Avec Jack in the Box. 12e position, on avait O'Linea avec Les Hospitalités. En 11e position, on avait Les Amis du Pakistan avec Mon Soldat de Plomb. 10e position qu'on a sauté avec Pépé, Mais Qu'est-ce que tu fais là? 9e position, on avait Zébrick avec La Pilule. Et 8e position, on avait Tricot Machine avec L'Ours. Et finalement, en 7e position, on avait Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser. Du côté anglophone, oui, Cynthia. Oui, en 15e position, nouvelle entrée, Interpol avec... No Eye in Three Some, qu'on a découvert avec Mathieu tantôt. Ah. Parlor Steps avec Only Mystery en 14e. En 13e, Heroes and Martyrs avec Bad Religion, qui était en chute libre, qu'on disait tantôt. Donc, 12e place, Ed Rush, Hot Springs. En 11e place, The Old Soul nous chantait You Are Gold. 10e position, The Details avec Reunion Souvenirs. 9e place, New Pornographers, My Right versus Yours. Ensuite, en 8e position, on retrouvait Hot Little Rocket avec Like Killers. 7e position, Figurines avec Childhood Verse. On fait beaucoup, en fin de compte. Pas mal, ouais. Difficile. Dans la 2e heure des palmarès, il faut m'entendre, entre autres, les positions numéro 6 jusqu'à la première. Donc, OK Curve River, United States Workers of Montreal, Corpy Clanny, The Polyphonic Spree, Johnny Five, Les Prostituées. Mickey est tout seul. Non, Mick est tout seul. J'aurais trouvé ça plus drôle. Il aurait dit ça plein de même. C'est Mickey vrai. Est tout seul. Mm-hmm. Et puis l'autre chose, au Palmarès c'est fou dans la 2e heure au 89.1 FM. Oui, oui. On va se réveiller dessus, là. Ouais. Bon retour, c'est la 2e heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 14 au 20 septembre 2007. Je m'appelle Mathieu Plante. Je m'appelle Cynthia Paquette. Et je m'appelle Simon Belle-Rose Veilleux. Ah, tu vois, il y en a un qui a coupé son nom de famille en deux, puis l'autre qui les a gardés les deux. Ben ah. Oui. C'est bien, j'aime ça, c'est de la variété. On sait pas comment tu files. C'est ça. Jamais pareil. Ouais. Ça dépend aussi comment tu files pour trouver un slogan pour ta radio campus. Ouais, on n'en parle jamais assez. On cherche un nouveau slogan pour la radio C'est Fou qui fête ses 10 ans cette année. Vous avez sûrement entendu la publicité rouler à C'est Fou. Ça joue, comment dire, incessamment. Ben oui. Donc, on avait des idées, nous autres. Ouais, moi, je dirais C'est Fou, Broutoutou. OK. Ensuite? C'est fou. Rémi Méninge. Oh, ouais. Voulez-vous que je sorte vraiment ceux que j'ai dit tout à l'heure? Voilà toute la gang, j'ai vu tout. Ah, il n'y avait pas d'allure, ça, tout à l'heure. Ils vont dire Simon, c'est un idiot. Uh-huh. Ah, ça, c'est un bon slogan déjà. Ouais. Mm-hmm. C'est fou et Simon. Ça, c'est un cœur. Mais je sais pas, moi, je pensais que ça devait avoir un lien avec les 10 ans. Là. C'est pour la radio en général, mais ouais, ça a rapport avec les 10 ans. Ça pourrait, moi, il faut inclure le 10 ans là-dedans. Ouais. Il faut pousser. C'est fou, 10 ans. Depuis longtemps. Tu viens de gagner un iPod. Félicitations. Yes. Mais pourquoi pas, c'est fou depuis 10 ans, quelque chose. Ben oui. Hein? C'est simple, ça dit ce que ça a à dire, c'est un jeu de mots pareil. Non? Ouais, mais on prend à rediscuter. Ça manque de pyrotechnie. Ouais. Ça manque de pouliches, qu'on pourrait dire. Oh! Oh! Oh. Ouais. Ah, c'est les ça. Pouliches. T'aimes ça, hein? Ben, dans ce temps-ci, je sais pas pourquoi, j'ai poulain et pouliche dans... Ben, donc, je dis salut les poulains, salut les pouliches. OK. Je dis même à ma blonde que, que c'est une belle pouliche. Ah, la chanceuse! Ouais, hein? Ah, ouais, ben oui. Quel... Ouais. Hey, c'est de l'amour, ça. Ben oui. Non? Ben oui. C'est beau, une pouliche? Oui. Moi, On aimait tout ça quand on était tout petit, les pouliches. Ben, bon, moi, j'aimais pas ça. Je pense que tu vas te retrouver tout seul. Tapant dessus. Ah, ouais. Parce que la prochaine position, je te jure. C'est mes. Hey, les palmiers, c'est les palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Ouais, ouais. C'est la sixième position, ça? C'est ça. Excellent. C'est numéro 6. Le numéro 6, que j'ai jamais. C'est sûr, pour effacer les fissures et que la peau devienne dure, faut pas frotter les blessures, c'est sûr. Si tu veux toucher l'azur, faut pas cracher sur les murs et pas casser les voitures, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Parce que c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. C'est sûr, il y aura des jours en juillet où le soleil va briller, mais mon bateau va couler, c'est sûr. Qu'il faudra bien s'accrocher, bouger la tête et les pieds pour réapprendre à nager, mais c'est dur. Des fois je me dis que j'ai rêvé, mais quand je me suis réveillé, le cauchemar avait gagné, c'est dur. Oui mais c'est comme ça, je te jure. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, c'est sûr. Sur la tête de ma planète, quand s'en ira faire la fête, j'oublierai pas ma triplette, je te jure. Sur la tête de ma petite sœur qui me regarde et qui pleure parce que tu pars avant l'heure, je te jure. Sur la tête de mon petit frère que je voudrais creuser la terre pour enterrer ma colère, je te jure qu'on se reverra là, papa. Take it away from me. Cut away from me. quand je vous demande sur Facebook, tu sais, d'être mon ami, tu sais, hein? Ouais. C'est ça. Excuse. Mais juste, c'est bien, mais là, faut pas que tu y ailles. Mais j'ai autre chose à faire. On vient d'entendre Girl Nobody avec Balaclava Casino Heist en 6e position anglophone. Ça remonte de 3 places. Juste avant, on avait Mick est tout seul avec Je te jure. Je te jure qu'il est seul. C'est à bon, je te jure que je suis à bon. Ouais, c'est pas pire. Moi, je l'aime bien, lui. Mais c'est l'ancien chanteur de qui? De Mickey 3D. Ouais, c'est ça. T'avais raison tantôt quand tu disais Mickey. Ah, as-tu vu? Ouais, Mickey, you're so fine. Non, ça, c'est pas ma part. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est le film des Cheerleaders. Ouais, c'est ça. Oui, oui, exactement. C'est bon, ça. Ils ont fait un deuxième, hein, de ça. Comment ça s'appelait? Le tout pour le tout? Le tout pour le tout. Et il y a eu tout pour le tout 2. Et je n'ai pas compris pourquoi. Non, mais attends. C'est pas, ça vient pas directement de ce film-là. C'était une toune des années. Non, mais c'est ça. Ouais. Okay. C'est juste que... Je pense qu'il y a eu comme 14 suites à ce film-là, genre sur DVD. Je sais pas trop quoi. Ah ouais? Ouais. Mais c'est comme Toby le joueur étoile. C'est ça. Il y en a eu quoi, 14, c'est ça? Non, il y en a au moins 4. Toby joue au pays. Hein. Toby joue au Bill Bucket. Je sais pas. C'est hot. Voilà. Donc ça, c'était notre 6e position. On est rendu à notre top 5. Vous voyez que les choses avancent très, très vite. Mais avant de faire ça, prenons une petite pause de Bill et de Bill Bucket pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Parce que pour les gens qui sont pas très éduqués, on faut se le dire, on se dit les affaires. Hein? Il y a toi qui te dis. Il y a des gens qui savent pas trop c'est quoi. C'est quoi ça, les palmarès? C'est fou. Ben, c'est autre chose que seulement le top 15 francophone et le top 15 anglophone. C'est quoi donc aussi? C'est également le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des 10 canadiens et le top 30 des albums. Ouais. C'est aussi Toby Jobie. On va commencer par le top 10 électronique. Aucune nouvelle entrée cette semaine. Le top 3, tiens, ancienne nouvelle première position et maintenant en troisième, c'est Lucine ICL avec l'album Language Barrier. En deuxième, c'est remonté d'une place pour Avagami avec Metagami. Et en première, c'est une remontée d'une place pour Rudder Sand avec 1023. Du côté du top 10 loud, nous avons une nouvelle entrée en 10e position. Donc, c'est Fueled by Fire qui, avec la pièce Spread the Fire, vient juste d'entrer dans le top 10. En 3e position, Aeons avec Rise to Dominate. En 2e position, on retrouve Crovadis avec Live in Montreal. Et en 1ère position, qui est stable depuis 5 semaines maintenant, Corpiclani avec Terpascando. Je voulais t'aider. Voilà. Non, je suis une grande fille. Je suis une grande fille. Ben, je vois ça. Ouais. T'es bonne. Merci. Simon, voyons si t'es capable de faire le top 3 du disque canadien. Je vais essayer, mais je serai pas aussi bonne. Non, tu vas être c'est très rare bon. Que je dis ça. Je serai pas aussi bonne. Troisième position, nouvelle entrée avec Girl Nobody avec Balaclava Casino Heinz. En tout cas. Deuxième position avec Percy Farm and The Ends in the Beginning. Et première position qui est là depuis 3 semaines consécutives avec United Steelworker of Montreal avec Kerosene and Coal. Du côté du top 30 des albums, aucune nouvelle entrée, mais en troisième position, on retrouve OK Curve River avec The Stage Names qui remonte de 3 places. En deuxième, remontée d'une pour The Polyphonic Spree avec The Fragile Army. Et en première, c'est stable pour une 15e semaine de présence dans le top 30 des albums. C'est United Steelworkers of Montreal avec Kerosene and Coal. 15 semaines! Ridicule, c'est quoi? Combien de mois ça? 16, 4 mois? Ça fait depuis le début de l'été que c'est là. J'en reviens tight, hein? Pourtant, ça fait seulement 8 semaines que c'est sur le palmarès anglophone. C'est fou, on va l'entendre plus tard aujourd'hui, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse. Ouais, ça va être pas pire. Bon, moi, je m'en fous un peu. Là. Ah ouais? Ouais. Voici Imaginaire incontournable de OK Vodka au palmarès, c'est faux! Yeah! child to sleep safely, and you keep high up on the steeps. Lift my child above the cliff steeps. Hold her there in your watch. There are claws inside the clocks. You will find there is misery in the mind. Don't contend with the hour hand. Distant din, hissing in the wind. Honey, shut the window tight. We won't make it through the night. Their eyes are lined level with your head. Those holes will hold you by a thread. Darkness draw us in you with a gentle downward pull. Dip into my skull, you will find there is misery in the mind. Don't contend. Chante, tu veux même pas que je chante. Oui. C'est tellement terrible quand je chante. L'école des fans. Hein, ah oui. On était fans. Dire. Moi, ma maman, elle me dit que mon papa couchait dans un autre lit maintenant. Okay. Est-ce que t'as un secret à nous dire, Simon? Non. C'est pas moi qui ai échappé le jus de fruits autour de la télévision. Non. Parce que cette semaine, il y avait une petite fille qui disait qu'elle avait un ami imaginaire. Ah ouais. Il faisait ses devoirs avec elle, puis qu'il donnait des mauvaises réponses des fois. C'est très drôle. Je suis sûr qu'ils ont des textes. Je suis sûr que oui. Tu vas ça, ma petite fille. C'est des acteurs nains, dans le fond. C'est ça. Du coup, anglophone, c'était Percy le chat. Percy Farm avec The Hour End dans 5e position anglophone, remonté d'une place. C'était, en fait, c'est 6 semaines de présence. L'album, c'est The End's in the Beginning. Oui, et puis du côté francophone, on avait OK Volca avec Imaginaire incontournable en 5e position qui a monté de 2 places cette semaine. Exactement, on est rendu à nos 4e position, les choses vont très bien. Il nous reste environ, je dirais, une bonne demi-heure ici au Palmarès. C'est fou, l'émission de la musique de demain, quand ça? Aujourd'hui, right now, exactement, yeah. À la radio qui fait la même affaire. Here. On cherche encore un slogan pour C'est fou. On est là puis on discute comme ça, tu sais, de pouliche puis d'autres trucs, tu sais. Genre, c'est fou mieux qu'un sac poubelle, quelque chose comme ça. C'est fou le tout pour le tout deux. C'est ça, moi. Encore, comme ça. On peut faire un 3 aussi. Ouais, ok. Non, ben, il faut que ça rime avec ou. Il faut trouver des mots avec ou. Donc, minou, loup. C'est fou aussi cute qu'une gang de minou. Zan minou. Il bouge au genou, c'est fou. Ouais, hey, ça serait malade, hein, ça, je pense. Un autre? Un dernier, pour la route. Qu'est-ce qui rime en « ou » Non, mais j'aurais fait peut-être « C'est fou, les 10 ans, avec toutes ses dents. » OK. Ouais. Non, mais c'est des propositions, là. Je veux dire, c'est un brainstorming, il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, c'est ça. C'est ça. À part celle de Simon. Non, mais ça, il fallait pas que tu le dises. Ah, excuse-moi. T'as ta gueule. Voici notre quatrième position francophone, c'est la Baroque Machine et pas de tes affaires au Palmarès C'est fou 89.1. La Radio Campus, 1, 2, 3, Rivière. Dans ta face. Put it here, yeah. Pas de zone. Put it here. In your face. Oh yeah. Yeah. And the sweet says there's no prying. When the breath that you breathe in the street screams, there's no science. When you look how you look, then to me that I cease lying and fall into silence. This is a life story, so there's no climax, no more new territory, so pull away your max. In the slot that you sliced through the scene, there was no shyness. In the plot that you passed through your teeth, there was no pity, no fate. It still begins on a kid in the for him only, but it's not haunted. It was your heart hurting, but not for too long, kid. In the socket you spin from with ease, there is no sticking. From the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling. And when the air around your chair feels the heat, that's the flames licking beneath the clock on the clean mantelpiece. It's got a cold clicking like a pro, and his everything sweet takes 2 weeks. New wave, yes, new wave, yes, new wave, yes, new wave, yes, new wave. Ah, les betteraves hurlantes avec leur geek mindnet, mspaintporn.net. Ben là, ils laissent traîner des feuilles. Ouais. On va sur des sites et... C'est de la porn en paint. Hey, c'est malade. C'est fort. Ouais. On vient entendre du côté anglophone de Polyphonic Spree avec Running Away en troisième position anglophone remontée d'une place. Et du côté francophone, on retrouve les prostitutes avec New Waves Kids qui était en première place la semaine passée. Exactement, justement. Du côté anglophone en quatrième position, c'était Hockey Kerrville River avec Our Life Is Not a Movie or Maybe qui remonte de trois places. Et du côté francophone, juste avant, avant, il y a très longtemps. Avant ça, là. Une autre époque. V'là 10 ans. La Baroque Machine avec Pod des affaires. C'est ça. Donc, vous l'avez entendu, c'est l'heure de notre petite chronique comme ça où on s'amuse et on parle du nom. Ah ouais, là, c'est le moment, là. Allons-y. On est rendu là, là. D'accord. C'est là qu'on fait ça, c'est maintenant. Et j'accueille avec moi en studio, avec nous, en fait, Elisabeth Marino, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui aime bien qu'on appelle juste Eli ou Zab. Certainement, oui. Donc, on va faire un rédacte en chef. Rédacte. Non! R-R-E-C. Comme E-C-T, je... Find out what it means to me. C'était une chanson, ça. Comme je le disais la semaine dernière... Oui. Non, il y a deux semaines, Mathieu, déjà. Oui. J'ai aussi une personnalité, donc... C'est ça? Oui, donc... non, mais oui, non. Non, mais oui, mais non, mais oui. Oui, mais non, voilà. Pouvons-nous parler, s'il te plaît, du journal sur le campus qui sort lundi en kiosque partout pour les gens qui sont sur le campus et qui nous écoutent en direct? C'est dans 2-3 jours, là. Oui. Donc, pour le numéro en cours, on peut remarquer déjà, on remarquera en fait lundi, sur la page couverture, une superbe... Le héros des jeunes filles. Le héros des jeunes filles, M. Simon Bellerose, qui accoutré d'un habit de sumo, il chevauche gaiement Pas si gaiement que ça, ben, là. Écoute... joyeusement. Disons. Joyeusement, un rodéo. On n'est pas sur msporn.net, là. Non. Pain porn. Bref, donc c'est ça. Donc c'est pour aller en lien avec le fait, avec le sujet de la une, qui est le rodéo de la rentrée. Donc retour en classe pour tout le monde après les festivités du début de la session. Et donc voilà, un Simon qui est assez heureux. Ensuite, allons regarder un petit peu ce qui se passe en actualité, en bref, comme ça. En actualité, ben c'est ça. On fait un retour sur les initiations, tant du point de vue des étudiants, là, les étudiants organisateurs, les étudiants, les nouveaux, dans le fond, qui ont participé aux initiations. Puis aussi, on est allé regarder un peu plus loin avec Marie-France Gagné, qui est, directrice des services aux étudiants. Voilà. Savoir de l'intérieur comment ça se fait, là, comment qu'on prépare ça, les initiations, les espèces de... d'étapes à franchir pour pouvoir l'approbation des initiations concrétisées. Aussi, bon, on revient avec la GE, bon, la démission de la présidence de la GEQTR de Ben Langlois. Aussi, par rapport à ça, le déclenchement des élections générales à la GE. Aussi, mon Dieu, le premier rendez-vous universitaire 2007-2008, ça, c'était, dans le fond... un rendez-vous pour tous les nouveaux étudiants où on pouvait entendre le recteur parler des grandes orientations pour cette année scolaire et aussi un mot de la part d'un représentant de l'AG, Alexandre Gauthier, pour se présenter dans le fond aux étudiants officiels. Si je comprends bien, ça veut dire encore une autre photo de Justin Bourque dans le journal. Prochaine page. oui, si on veut. Prochaine page, voilà. La chronique de Guillaume Cholette, 10-12. Tellement rough. Hein. Ouais. J'adore ça. Oui. Non? T'as pas comment tu trouves Guillaume, toi? Moi, Guillaume, Ce qui sort là. Dans ce qui sort, moi, j'ai dit, j'ai envoyé un beau courriel et j'ai dit, j'adore. Ouais? T'aimes ça pour de vrai? Mais dans le sens, OK, oui, je suis d'accord là, qu'on est. OK. Parce qu'en fait, en gros, le 10-12, lui, Guillaume vraiment questionne, en fait, la présence d'un bar, d'un lieu de débauche dans un environnement universitaire, si vous voulez. Puis je sais pas. C'est pas que je suis totalement contre, c'est pas que je suis totalement pour, mais je veux dire, je trouve que c'est quand même quelque chose à se poser aussi, là. Oui. Mais je trouve que ça fit avec la photo de Guillaume. Chaque article qui sort, c'est... C'est pas Guillaume, c'est pas Guillaume. C'est l'homme. Ouais. C'est ça. Donc, chronique de Guillaume qui est assez intéressante. 10-12, Number of the Beast. Ensuite, un petit article, un retour sur les 9 mois plus tard après, les frais afférents, la hausse qui a eu lieu je crois en mars-avril dernier. Le 9 mois? Ouais, voilà. Oh mon Dieu, merci Simon. C'est janvier. C'est janvier. On était en septembre, 9e mois de l'année. Janvier. Voilà. Plaque. Voilà. page suivante, ah, un éditorial et avec une photo. Jolie figure. Oui, tiens donc. Donc ici, c'est juste une espèce de un petit questionnement sur... moi, ce que j'ai remarqué beaucoup à la rentrée, mais surtout pour ce qui est de le premier rendez-vous universitaire, il y avait une espèce... Je trouvais qu'il y avait deux discours un petit peu. C'était pas tant... opposé ou paradoxal que ça, mais je trouvais quand même que du côté des étudiants, du côté de l'association étudiante, on utilisait beaucoup le terme « initiation », tandis que du côté de l'administration, puis ça, on se réappropriait tout ça, toujours en parlant de la même chose, puis on parlait des activités d'intégration, puis je sais pas, j'ai... Sans être trop épistémologique, j'ai quand même, je sais pas, je suis allée rechercher là-dessus, là, je trouvais ça intéressant comme réflexion. Seul l'est. Aussi, bon, petite caricature de messieurs Gabriel Raymond et Alex Drouin. Vole pas le punch, là. Je ne vole pas le punch, mais ça vaut le détour en page 5. C'est très drôle. Oui. En bref, pour le reste de l'actualité, s'il te plaît, je m'excuse de te presser. Oui, il n'y a pas ça, de trouble. Mais... OK, chronique dans la mire du Fectoscope, un retour sur l'Assemblée générale, un truc très intéressant sur le CAPS, à quel prix doivent payer les étudiants, quel prix paient les étudiants. Et un article sur le Bureau d'aide à la réussite. Mm-hmm. Et petite chronique de M. Perriard. Et, directeur général du journal. Oui, faut le dire quand même. Faut le dire quand même, c'est ça. Encore un petit peu d'initiation. Oui, ça j'en avais parlé tout à l'heure, c'est pour ça que je suis pas revenue dessus. Là, mais, belle section actualité. Belle général. Section actualité, oui. En art et spectacle maintenant, un petit retour sur la rentrée. Oui, rentrée en images. Oh mon Dieu, je vois que c'est merveilleux. Oui. Ben oui, c'est comme, oups, ben gadon, comment c'est beau. Les activités qui ont eu lieu cette semaine, là, oui. Tu sais, mardi. Le 11 septembre. Mardi le 11 septembre, voilà. Petits topos sur chaque band, ou en tout cas la plupart des bands qui ont joué dans le spectacle aussi. Oui, voilà. Bon, Carquois, on parle de Carquois. On parle de... mon Dieu, oui, le topo. Non, c'est pas ça. Ah, OK, voilà. Mimi Van Der Glo, Aaron Joshua. Publicité de Belle. Toujours Val bien. Valsalva. Il y a aussi un retour sur Ex Machina et ouais, voilà. Il y a Jesus Bench 400 livres aussi, nos amis oui. De communication. Je n'ai pas trouvé, je suis désolée. Ah oui, voilà, ok. Around Joshua. Vous êtes beau à voir. Ouais. Puis c'est ça, un petit retour à spectacle d'Ivac North, News from the Hill. Le tricot machine. Ouais, intense. Un peu de... C'est beau, hein? Intense, ouais. Il y a des gens qui se sont donnés ben fort pour cette section-là. Et je crois qu'en sport, on parle des Patriotes, je pense. C'est pas mal ça dans c'est pas mal. C'est pas mal toujours ça, mais oui, c'est ça. Donc... Mais vous avez un excellent chroniqueur sportif. Moi, je trouve André Martin. André Martin. André Martin, ouais. Oh, il torche, comme on dit en bon français. Ouais. Oh. C'est un sportif. Oui, il aime ça. Donc, c'est ça, il s'est entretenu avec Jennifer Carroll, qui a des nouveaux arrangements. Donc, c'est ça. Allez. Elle a changé ses cheveux, c'est ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça a changé ses arrangements avec l'UQTR, les Patriotes, puis ça. Donc, c'est allé. Rendu à Montréal. Oui, en gros, il est rendu à Montréal, mais elle va encore s'associer dans certains cas aux Patriotes. Et le retour des mini sudoku en petite bouchée et le mot croisé, c'était la page 31 du Journal Zone Campus. Oui, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Meilleur bout, hein, c'est ça. Oui, définitivement. Donc, c'est le prochain numéro du Journal Zone Campus qui sort le lundi 17 septembre partout à l'université et sur des points externes partout à Trois-Rivières. Merci, Elisabeth Marino, rédactrice en chef. Nous, on se dépêche. Voici tout de suite la position numéro 2 francophone. Comment ça va, Marc Hamilton? Oui! Comment ça va, Marc Hamilton? Est-ce que ta voix encore résonne? Et tu as marre de ton succès qui ne t'a porté que des regrets? Ou si tu recommencerais, dis-moi. Ou si tu recommencerais, dis-moi. Le show business t'a repoussé dans le jeu, tu n'es pas entré. On s'est amusé à te faire tomber, et ça t'a pratiquement tué. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Je sais pas. Les places sont-elles refermées, dis-moi. Comment ça va, Marc Hamilton? J'entends comme ta voix qui résonne. Catégorisé, presque impossible d'y entrer. À moins de vouloir se prostituer pour peut-être vivre de ce métier. Alors comment vouloir rentrer, dis-moi. Pourquoi vouloir continuer, dis-moi. Je sais pas. Bien sûr, à force de lutter, tu finiras par y arriver. Quand tout sera cicatrisé, tu n'auras plus à exorciser les démons qui t'entourent. jet. Unscrew the filter, make sure it's wet. Pull off the cables and check for corrosion. But I don't smoke, don't need no explosion. Fire an order, start steering some home. Let's breathe some life in this pile of dope. She's a long walk home and the air is heavy. Wanna see my arm hanging out of that Chevy. Got dust clouds on the back of her brain. Necks and backs all racked with pain. Small town banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. Took a dipstick fall and a freeze. Climb underneath, she's a bit of a squeeze. It ain't the bells, well, they scream louder. Back of the block, check the wire to starter. Jack goes in and nods by the blade. Kicking that block, don't seal my fate. Take a long pull off a bottle of Bud. Down alone, these knuckles covered in blood. I got dust clouds off the back of my brain. Necks and backs all wrapped with pain. Fall down banks and the wrong man playing. I can't remember last time it rained. One, two, three, four. Et on continue avec les positions numéro 1. Voici tout de suite Jacques Mort et Brise Glace. Et on se revoit dans quelques minutes à peine. Vous écoutez les palmarès, c'est fou à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est ça. brise-glace de Jacques Mars. Ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh. C'est beau, c'est le numéro 1 francophone. Brise-glace de leur album éponyme. C'était en 6e position la semaine dernière. On s'en va entendre dans quelques secondes, notre numéro 1 anglophone. Mais avant, le numéro 2, c'était Johnny 5 avec Comment ça va, Mark Hamilton, qui remonte de 7. Et du côté anglophone, c'était United Steel Workers of Montreal avec Small Town Banks. On a malheureusement pas plus de temps pour se dire au revoir, mais je remercie quand même Cynthia Paquette-Grenier. Ah, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Simon Belle-Rose Veilleux, merci. Eh oui, et peut-être la semaine prochaine, je vais être remplacé par DJ King Fan. On l'aime. Wow. Isabelle Marino de Journalisme Campus, merci. À dans deux merci semaines. À toi. Quand tu veux, hein, vraiment. Ah, je sais, c'est quand tu veux. Moi, c'est Mathieu Plante. De la part de toute l'équipe, je vous souhaite une super bonne semaine. L'émission La Dernière Porte à Gauche, je suis à 20h. D'ici là, c'est la sécheuse avec DJ Shuffle. Mephisto Show à 21h, Electro Shock à 23h. Et les choix de Satan à 1h du matin. Moi, je vous retrouve partout. Vous le savez, allez voir le cif.ca. Je m'appelle Mathieu Plante. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir. Salut. Bye. On est pressé de même, c'est le même. C'est le même. C'est pressé. On est le même, nous autres. Salut. Salut, c'est bye. Là, c'est comme... Bye, bye. C'est bye.